Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen, cours numéro 13. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammadin wa ahli wa sahbihi wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin amma ba'd. On commence directement inchallah dans le dars al-thalith ashar, la 13e leçon, qui elle-même est un récapitulatif de la conjugaison du verbe au présent, fil mudari'. Quand c'est avec le ra'ib, quand c'est avec le mukhatab et avec le mutakallim. Awalan al-ra'ib, l'absent. Au mufrad al-muzakka, avec le fi'l dhahaba, tu dis Hamidun yadhhabu. Ajoute un ya. Alawaz yaf'alu. Le jam, c'est la même chose, sauf qu'à la fin on met waw jama'a yanun. On dit Hamidun wa Aliyun wa Hashimun yadhhabuna. Et le fa'il, il est où? C'est le waw. Et Babé Feïda, le nun que tu vois après le waw, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le signe du raf, le fil, il est marfoua. Et au lieu d'avoir une domma, il a ce nun. Vous voyez, il est parmi les choses qui sortent de l'origine. Parmi les choses qui font exception à la règle. Et ce fil, là, c'est comme quand tu dis Hamidun, Yazhabu. Vous voyez, Yazhabu, là, c'est un fil, Moudawaria. Et il est marfoua. Pourquoi il est marfoua? Il a une domma à la fin. Tu vois, Aramat Rafi, Ad-Domma. Donc il est marfoua. Comme Asmam Salim Tadaw Khabar, le verbe aussi peut être marfoua. Et là, au pluriel, Hamidun wa Aliyun wa Hashimun yadhhabuna, là aussi il est marfoua. Seulement il n'a pas de Dhamma. Donc c'est quoi qui a pris la place de Dhamma? Ce Noun à la fin. Et t'en sauras plus, Inch'Allah, dans d'autres kutub. En tout cas, sache que ce Noun, c'est parmi les signes du Raf. C'est son signe qui prouve qu'il est marfoua. Tayyib, ça c'est pour le Ra'ib et Muzakkar. L'absent fait masculin. Al-Anakhouz, Al-Ra'iba. Tayyib. L'absente, au féminin. L'il mufrad, nakoul, aminatu tadhabu. Voyez, aminatu tadhabu. Cette fois, c'est pas un ya qu'on met, c'est pas un ya qu'on met, c'est un ta. Hey, hiya. Ala was taf'alu. Et au pluriel, au jam, tu dis aminatu, wa maryamu, wa zaynabu, yadhabna. Et là, on remet un ya, et à la fin, on met nous ni soi. Et c'est un domir, c'est le fa'il. Tayyib, c'est le fa'il. Ça, c'est en ce qui concerne al-ra'ib. Maintenant, le mukhatab, l'interlocuteur, le muzakkar, le mufrad, takoul, anta, tadhabu. Ala was taf'alu. Donc là, c'est un ta. Le fi'il, il commence par un ta. Et pareil, là, le fi'il, il est marfou. C'est quoi la preuve? C'est quoi son signe? C'est alama? C'est la damma qui est à la fin. Et au pluriel, mukhatab, jam muzakkar, tu dis antum tadhabuna. Donc le ta reste. Et là on met quoi? Waw jama'a. Dami al muttasif, c'est le fa'il. Et on met le noun à la fin. Et ce noun, c'est comme yadhabuna, c'est alamat raf. C'est le signe qui prouve qu'il est marfoua. Lil mouannas, le mukhataba, al mufrada, tu dis anti tadhabina. Voyez, anti tadhabina. À la wazn taf'alina. Donc le ta il reste, parce que le mukhatab c'est tout le temps avec un ta qui commence. On a ajouté quoi cette fois-ci? Ya el mouannaf el mukhataba. Et c'est un domir. Et c'est lui le fa'il. Et après on a mis un noun avec une fatha. Et c'est quoi ce noun? C'est comme les autres. Avec le jama'a c'est alamat raf. C'est le signe qu'il est marfou. Azhabina, c'est un fi'il marfou. C'est quoi sa preuve qu'il est marfou? C'est noun avec le fatha. Et au jam, tayyib, yani le mukhatabat, el mouannatha, tu dis, antunna tadhabna. Tayyib, à la wazn taf'alna. Donc là, le ta reste pour le mukhatab, et après, à la fin, on met quoi? Noun niswa, qui est domi al-muttasil, et c'est lui le fa'il. Tayyib, noun niswa, tadhabna. El en akhir, el mutakallim, l'orateur. Lil muzakkar, ana adhabu. Donc on a dit quoi? Quand c'est Anna, on met un Hamza. Hamza tul-Qatr. Laissez pas Hamza tul-Wasl. Attention celui-là. Celui qui a la tête du Aïn. Hamza tout le quatre. Donc tu dis ana azhabu à la wazn af'alu. Et la dhamma que tu vois à la fin du verbe, c'est aramat rof, ce qui prouve que le fi'l est marfou. Et pour le mouf, le jam, ah, au fait, ana il marche pour les deux. Les zakar, le muzakar ou mu'annas. Une femme a dit ana azhabu, ça y est, un homme il dit ana azhabu. Il est pareil, c'est même dhamir. Et pour le jam, du mutakallim, l'orateur en groupe, ou celui qui élève sa personne, il parle nahnu, hein, mais il parle de lui tout seul, tu vois. Nahnu nadhabu. À la waz naf'alu. Donc cette fois, on met quoi? On met un nun en début de fi'al. Et le fi'al, pareil, la dhamma, c'est qu'il est marfou. Voyez, donc là, alhamdulillah, on a appris comment conjuguer un verbe au présent. Fi'al mudari. Mais bien sûr, là, c'est le fi'al as-sulasi à trois lettres. Après, il y a d'autres. Afael avec d'autres nombres de lettres qui diverses, qui a d'autres règles. Mais à chaque fois, c'est souvent mathématique. Quand tu as appris par exemple la règle pour le Soulassi, en général, ils sont tous pareils. Quand tu as appris la règle pour le Roba'i à 4 lettres, après, ils marchent tous sur le même truc. Tu as appris le Khumasi 5 lettres, Soudassi 6 lettres, c'est le dernier, Soudassi. Après, ils marchent tous sur la même ligne. Tu apprends la base, après les autres, tu les appliques, ils s'adaptent. Non. Souvent le sol, c'est mathématique. Attendez, maintenant on va prendre les tamarinat pour mettre en pratique cela. Awal an yakul akmil al jumal al atiyata bi wad al fi'l zahaba fi al mudali' ba'd isnadihi ila al damir al munasib. Donc il dit complète les phrases en plaçant le fi'l zahaba à la forme du présent après l'avoir attaché à un damir qui convient. Fadal al jumal al oula. Non. À quelle heure vas-tu à l'université ou à Aïcha? Les élèves vont au terrain de jeu après le cours. Non. Dis-moi, je vais au marché le jour, juste le jour du Jumu'ah ou le jour du Jumu'ah seulement. Rabian. Mata tadhabuna li ziyarati al-mudiri ya ikhwan. Naam. Donc quand allez-vous aller pour visiter le directeur ou les frères? Khamisan. Ummi tadhabu. Naam. Ummi tadhabu ila al-mustashfa kull yawm. لأنها مريضة كل يوم. أيوة. لأنها. طيب. نعم. لأنها مريضة. نعم. Ma mère va à l'hôpital tous les jours car elle est malade ou parce qu'elle est malade. سادسا. أتذهبنا إلى المكتبة كل مساء يا بناتي. نعم. Est-ce que vous allez à la bibliothèque tous les matins? Non, ça c'est après-midi à Fouan. Oh les filles, oh mes filles. سابعا. لما لا تذهب إلى المطار معنا معنا معنا يا عباس. Dis pourquoi ne vas-tu pas à l'aéroport avec nous? Là c'est ma'a avec Damien Nahnou. معنا معنا يا عباس. Pourquoi ne vas-tu pas à l'aéroport avec nous ou عباس؟ ثامنا نحن نذهب إلى الجامعة بسيارة بسيارة الأجرة. نعم. Nous allons à l'université en taxi. سيارة الأجرة, c'est le taxi. أجرة à la base, ça veut dire paye, tu vois. Ou autre chose, ça peut être une paye, ça peut être une récompense. Là, le but, c'est de dire quoi? Une voiture qu'on paye. Donc, c'est un taxi chez nous. تاسعاً. أبي يذهب إلى المصنع في ساعة العاشرة. Mon père va à l'usine à 10h. عاشرًا. إخوتي يذهبون أخواتي يذهبنا إلى المدرسة بالحافلة. نعم. Donc mes sœurs vont à l'école en bus ou en car. تمام. Après ça il dit ثانيًا أكمل الجمل الآتية بوضع فعل المضارع مناسب في الفرع. Donc complète les phrases suivantes en mettant un فعل المضارع qui correspond. Là, tu prends le fier, c'est à toi de le trouver. Jumal Oula. Atarifu اللغة العربية يا يا سيدي. نعم. Connais-tu la langue arabe? Oh, traduire Sayyidi, mon chef. Mais à la base, Sayyid ou Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, mais tu peux des fois dire Sayyid pour un peuple. Il y a déjà Adilek sur le dessus. Et traduire, ouais, par le, c'est le chef d'un groupe. Tu vois, celui vers qui on revient. Nam, Sanyan. Nahnu, nalabu, kurat al-qadami, kulla masa. Donc nous, nous jouons au football tous les après-midi. L'arabe. Salifan. Comme Shahed, il dit, même les joueurs pro, ils ne jouent pas tous les jours. Ils se reposent. Lui, ils jouent tous les après-midi. Afi al-Mahajir al-Jamiati. Afi al-Mahajir. J'ai entendu comme c'était mieux les fois. Mahajir al-Jamiati. Taskunu. Ya Ikhwan. Ta. Taskununa. Naam. Ya Ikhwan. Est-ce dans les dortoirs de l'université que vous vivez, ô les frères? Rabian. Ah, طيب. التجار يفتحون دكاكينهم في الساعة التاسعة. Naam. Les commerçants ouvrent leur boutique ou leur magasin à 9h. Dakakin, c'est le jam de Dukkan. Khamisan. يكتب المدرس الدرس على الصبورة. Naam. L'enseignant écrit le cours sur le tableau. Saadisan. إخوتو حمزة. أخواتو حمزة. Qu'est-ce qu'ils font la Jamia? Qu'est-ce qu'ils font les gens la Jamia? Ils étudient. Et donc? Yotlabun. Là c'est Akhawat. Yotlabna. Là, prends Darasa. Yotlabna. Prends le fil Darasa. يدرسنا نعم بالجامعات نعم سابعا أنا قرأت لا أنا أقرأ نعم القرآن كل صباح دي moi je lis le Coran ou je récite le Coran tous les matins lui محمد الله c'est mieux que ceux qui ont joué au foot tous les après-midi peut-être que c'est lui ah bah c'est dommage c'est du gaspillage ثامنا في أي محطة تنزلو يا أخي؟ نعم. À quelle station descends-tu, mon frère؟ تاسيان. أختي تعرف ثلاث لغات. نعم. Ma sœur connaît trois langues. عشيران. من أي إذاعة تسمعنا؟ الأخبار يا فتيات. نعم. De quelle radio écoutez-vous les infos ou les jeunes filles? طيب هذا مفهوم الحمد لله. Maintenant, il dit ثالثا صحح الجمل الآتية. Corrige les phrases suivantes. Donc, on va avoir des phrases. Sûrement, il va mettre un domir ou un verbe qui ne correspond pas avec le fa'il. C'est à toi de corriger. طيب. الجمل الأولى يقول يا مريم. أتعرف رقم هاتف المديرة ومريم connais-tu toi comme un homme le numéro du téléphone de la directrice يا مريم أتعرفين رقم هاتف المديرة نعم أحسنت أتعرفين ثانيا يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس. Donc, je ne pourrais pas traduire avec l'erreur. Hein. C'est les élèves rentrent dans la classe avant l'entrée du professeur. Et maintenant, l'erreur, elle est où? Où est l'erreur? C'est-à-dire, il y a trop de monde. Yadkhala. Comment il vient le verbe avant le fa'il? Yadkhal, il vient au mudhakkar. Ça n'a marlouf, mais il vient comment? Quelle forme? Là il dit yatrouluna et tout l'abou. C'est quoi? Là c'est mudhakkar, tu restes au mudhakkar. Toi tu dois juste corriger l'erreur qu'ils ont fait. L'erreur elle n'est pas dans le temps du verbe. Elle est dans quoi? Yadkhulou. Aïwa, yatrouluna. Il faut le mettre au singulier. Ils ont mis Yatrouluna et Toulabou. Maintenant, tu te trouves avec deux fa'ils. Je t'ai dit, il y a une langue en langue arabe. Même dans le Coran, il y a. Attends, c'est quoi le verset dans Surat Al-Anbiya? Là, je ne l'ai plus en tête, mais il y a des versets. Il y a même des hadiths qui sont venus dans cette forme, avec cette forme-là, mais c'est très rare. D'ailleurs, c'est très rare. C'est très rare. À la base, c'est que tu ne dis pas. Non. Ça, Alissa. Non. At-tabibat. Yakhrajna. Yakhrajna. Yakhrajna. Aïwa. Dama. Yakhrajna min al-mustashfa. Fi sa'ati al-wahidati. Les médecins femmes sortent. Aïe, parce qu'ils ont mis Yakhrujuna. Ils ont mis Kwao Jamara qui est pour les hommes. Yakhrujuna. Donc, comme tu as dit, c'est Yakhrujuna, mais Mustachva. Fisaati al-Wahida. Donc, c'est-à-dire que les médecins femmes sortent de l'hôpital à 1h. D'accord, je trouve le verset là que je t'avais dit. Donc, voilà le verset dans le Coran où il y a l'exemple que je t'ai dit. Regarde, là il a mis وَأَصَرُّ تَوَا الْجَمَعَ الْنَجْوَ. Ça va être le مَفْعُلْ بِهِ. Et après le fait c'est الَّذِينَ. Tu vois, il a mis وَالْجَمَعَ et après il a mis الَّذِينَ. C'est-à-dire que là tu peux te trouver avec deux fa'il. Tu te trouves dans le même cas que cette phrase-là. يَتْرُلُونَ تُلَّابُ. Il y a aussi un hadith, c'est يَتَبَادَلُونَ مَلَيْكَةُ لَيْلُ مَلَيْكَةُ النَّهَرُ كَدَ الْمَعْنَى, qui est venu avec la même formule comme ça, mais c'est très rare. Tu vois, c'est très rare. C'est-à-dire, si quelqu'un fait la phrase, on ne peut pas le dire, c'est faux, parce que le Coran, la Sunna, il y a des adillah, mais c'est rarement employé. Tu vois, c'est rarement employé, et le plus correct, et ce qui est le plus convenable pour faire comprendre des gens, c'est parler comme ça l'a répondu. Mais en tout cas, après, c'est les savants, ils ont divergé dans l'irlob. Comment on fait l'irlob de cette phrase-là? Parce qu'on ne peut pas avoir de fa'il. Donc, c'est parti avec plein d'exemples, plein de trucs différents, inchallah, qui te seront exposés dans le Kitab al-Mutammima. Inch'Allah. Je crois que c'est l'orat à Kaloni le Baraïs. Ou un truc comme ça. Comme ça la langue. J'ai oublié, comment on dit. Non. On reprend donc le jumel Rabi'a. Yajlisu et talibat el joudoud fil saf fil akhir. Non. Ben là on se trouve dans le même cas. Ouais. Donc comment tu vas dire? J'ai dit Yajlisu déjà. Talibat, Yajlisu Talibat. Yajlisu Talibat. Eux ils ont dit quoi? Yajlisna Talibat. Donc ils ont mis quoi? Ils ont mis le nun niçois. Et après ils ont mis Talibat. Donc ils ont mis deux fa'il. Donc là il y a une erreur. Tajlisna? Tajlisu? Tajlisu, non, faut mettre le T. Parce que ça revient à quoi? Aïe à la base. Donc c'est les étudiantes, les nouvelles étudiantes, ça soit. Dans le dernier rang. Khamisan. Aïna tadhabu ya ikhwan. Attends, on va d'abord dire avec l'erreur, pour qu'on puisse s'amener. Aïna tadhabna ya ikhwanu. Donc, où allez-vous? Ils ont mis la forme féminin. Où allez-vous, frère? Fanta, c'est kif takoul? Aïna tadhabu. Nam. Ya ikhwan. Nam. Désolé, les erreurs, on peut pas leurs erreurs, les fautes qu'ils ont fait là, on peut pas les traduire. Faut obligé de lire en même temps. Sadisan. Urti. Yadrusu fil madrasati athanawiya. Donc, ma sœur, quand je disais il étudie, là, tu vois, au collège. Urti tadrusu. Au lycée, alors. Fil madrasati athanawiya. Mam, tadrusu. Sabian, maza taktubuna ya benati. Donc, comme je disais, qu'est-ce que vous écrivez, vous, en fait, en s'adressant des hommes, ô mes filles. ماذا تكتبنا يا بناتي؟ نعم. ثامنا ماذا تأكلين يا عباس؟ C'est comme si tu disais, qu'as-tu mangé en s'adressant à une femme? Oh Abbas. ماذا تأكل يا عباس؟ نعم. تاسعا نحن أشرب الكهوة كل الصباح. Donc en fait, il dit, nous, je bois le café tous les matins. نحن نشرب. نحن نشرب. نعم. القهوة كل صباح. نعم. عاشرا سترجع أبي من الرياض في الأسبوع القادم. Donc comme il disait, mon père, elle va revenir. Voyez, de Riyad la semaine prochaine. سيرجعوا أبي من رياض في من رياض. نعم. في الأسبوع القادم. نعم تمام. Donc ça c'est, alhamdulillah, c'est compris. Donc là maintenant il fait quoi? Il va décomposer les trucs pour que tu arrives à voir l'acheminement qui fait qu'on est arrivé à cette forme d'assemblage entre les lettres sur le verbe au présent. Il dit Rabi'an ta'ammal ma yali. Donc médite ce qui suit. Maintenant il te dit comment on arrive à dire yadhabu. Yadhabu, en premier, le ya de yadhabu, c'est harf al-mudari'a. C'est une lettre tayyib, propre au fir mudari'a, qui vient en début de fir mudari'a. Et qui démontre qu'il y a un fir mudari'a, et qui démontre que le fa'il, c'est un ra'ib. Ensuite, yadhabu, il est où son fa'il, comme il dit? En fait, c'est zahaba avec fa'il d'amir mustatir. Ayyuhua. Yadhabuna, comment il se compose de ya kazalik harf mudari'a. Voyez, c'est la lettre. Enfin, ouais, c'est la chal l'umbej. Hein? Chaque fois de maghribi. Chal. Chal? Maraitu. Fi. Imamat ami? Chal, chal. Chal? Pourquoi chal? Chal, c'est le chal. L'écharpe? Ah, j'ai pas vu. Une fois, il y a. Ah, j'ai pas vu. Regarde dans l'autre rulfa qu'il y a là-bas. Ah, Inch'Allah. Nam. Donc, yadhabou, là, on reste toujours avec le ya harf mudari'a. Parce qu'on reste toujours avec le ra'ib. En fait, c'est zahaba. Plus, c'est-à-dire zaïd, waou, waou jama'a. Et ce waou, c'est le fa'il. Ensuite, nun, yadhabou, là, c'est quoi nun? On avait dit quoi? Aramat ou raf. Le signe du raf, qui prouve que ce fi'il est marfoua. Tamam. Tadhabu. En fait, c'est ta qui est harf mudari'a. C'est une, parmi les lettres du fi'il mudari'a, lettre du verbe présent. Zaid, zahaba. Zaid. En fait, quand on dit zahaba, là, je te lis en mandi, mais en fait, il vient en présent. Sinon, on dirait quoi? Zahab. Tu vois? On mettrait une soukoune sur le zel. Zaïd, damir moustatir. Ou aller comme ça. Anakallah. Et là, le damir moustatir, c'est quoi? C'est quoi comme damir? Tazhabou. C'est. Tazhabou, damir moustatir, c'est. Hiya. Non, ça peut être Hiya ou Anta. Mais je pense que c'est. Ouais, c'est Iya, là. Parce qu'on est toujours dans le Raib. Non, c'est Iya qui veut dire. Yadhabna, c'est Ya harf mudari'a. Taïeb au début. Après, c'est le fi'il zahaba ou mudari'a. Et on a ajouté quoi à la fin? Nun niswa, et c'est lui le fa'il. Namir muttasil. Tadhabu, là maintenant, c'est le mukhatab. Taïeb, mukhatab, muzakar. Mufrad. Donc là, c'est. Mukhatab, il commence par quoi comme lettre? Ta. C'est plus l'Ya, c'est ta. Et ta, c'est aussi harf mudari'a. Après, c'est le fi'l, zahaba ou mudari'a. Et ensuite, damir, mustatir, takdiruhu, son sous-entendu, toi, ay, anta. Tadhabuna, pareillement, te, harf mudari'a, zaid el fi'l, zahaba, zaid waw jama'a, waw fa'il, damir muttasil, wal nun, aramat raf. Voyez, aramat raf, c'est le signe du raf qui est marfoua, qui prouve que le fi'l est marfoua. Tadhabina, ça c'est mukhatab muannath mufrada. Donc on met par au début ta harf mudari'a zaid el fi'l zahaba fi'l mudari'a zaid ya el muannath el mukhataba, ça s'appelle comme ça, qui est le fa'il, qui est damir muttasil, et nun yadhabina, le nun après c'est aramat raf kazalik, et le signe du raf. qui dit que le verbe il est marfou. Tadhabna, là c'est quoi? Mukhatab, jam, mouannas. Donc c'est harf mudari'a, zaid, fir zahaba, fir mudari'a, zaid, nun, et niswa, et le fa'il, c'est damir, muttasil. Adhabu, là c'est mutakallim, un mufrad. Donc c'est hamza, hamza tulkata. Ça s'appelle comme ça, hamza tulkata. Qui est harf mudari'a. Zaid, le fir zahaba, fir mudari'a. زيد ضمير مستطير تقديره انا طيب انا اذهب وتذهب او نذهب عفوا سنون حرف مضارع زيد ذهب ومضارع زائد ضمير مستطير اذ ضمير مستطير تقديره سوز اونتندو نحن مفهوم ال لا شنو كما اون في الفعل المضارع ولي فاسيل سي pour le ghaib au début, c'est ta pour le mukhatab, et c'est le hamza pour le mutakallim et le mufrad, et nun pour le mutakallim et le jam. Et aussi dans le ghaib, il y a une exception, c'est pourquoi un ti, hiya afwan, on met un ta. Hiya tazhabu. Naam. Tayyib les kalimat jadida, il y en a que trois. Sayyarat ul ujra. Donc ça, on dit c'était quoi? Taxi. Taxi. Sof, jam, soufouf. C'est un rang. Naam, le rang. Et Akhir. Dernier. Naam, dernier. Afumada. Naam. Taïb. Fassanak tachibi hada. Walhamdulillah rabbil alamin.